Je savais bien, bébé, que c'était pas si simple. Thank you. we try to sing. Thank you. Thank you. nous nous sommes rencontrés sur un même chemin.